Section 31 de La lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 7e. Section 31. Fragment d'un livre inédit par Madame Alphonse Daudet. Les nuits d'insomnie, il semble qu'on ait sur les yeux, en guise du voile épais de l'ombre, une gaze claire à grands trous par laquelle les visions, les souvenirs, tout ce qui subsiste de la vie dans le rêve entre avec des clartés gênantes. Le parfum de certaines roses trahit un piquant, une ténuité vive où l'on sent l'épine. Les fenêtres fermées ressemblent à des yeux d'aveugle, les vitres luisent, le bleu du ciel s'y pose en surface et elles regardent sans voir, se contentent du reflet, puisqu'il leur manque la vision. On ne peut vivre un certain temps ensemble sans se ressembler un peu. Tout contact est un échange. Dans l'activité normale des maisons, quand on s'occupe et se presse, on n'entend guère la pendule, la fuite régulière et mesurée du temps. Mais aux heures d'attente, d'insomnie, de garde d'un malade, la piqûre des minutes se sent et s'écoute et prend un son plus ou moins énervant et lugubre. Alors la pendule est la vie de la maison, perceptible quand les autres se taisent, et ce qu'elle remue de souvenirs, ce qu'elle scande de projets et d'inquiétudes, elle bat comme un cœur anxieux, comme un pouls de fièvre, comme l'artère aux tempes. Il est des hommes à qui la gloire sied comme la toilette à certaines femmes, d'autres chez qui elle prend un air empesé d'endimanchement et qui gagnaient au demi-jour à la tenue modeste du talent. Fin de la section 31, lue par Sophie, à Veules-les-Roses en octobre 2024.